Échangeur 22, résidence ressources, création contemporaine. Nora. En janvier 2024, l'artiste équatorien Nicolas Aguirre est venu à Échangeur 22 dans le cadre des résidences ressources. Bonjour. Je m'appelle Nicolas Aguirre, je suis équatorien, je suis arrivé en France en 2010 et voilà, j'ai rentré aux Beaux-Arts en 2012 et j'ai fini en 2018. Je pratique lié à, je pense, à l'âme. Ça a commencé avec une pièce, j'ai divisé mon âme en 21 morceaux et après j'ai échangé avec des différentes personnes. Cette pièce, je l'ai montrée à l'expo Possédée en 2020. À la Panacée. Je suis à Échangeur 22, je prépare une expo en trois volets en fait. Ça va se passer en septembre, la Galerie du Philosophe, et en octobre avec la Galerie Aperto, à la Boîte Noire. Je travaille sur un projet qui s'appelle Carpaccio. Je pense à mon travail, cette idée des traductions, de traduire en plusieurs formes, langages, peut-être une même idée. Il y a un travail des couches du coup, où tu peux te perdre comme une lost in translation. J'avais envie de bosser et j'avais juste envie de produire. Échangeur 22. C'est un endroit très familial. T'as plein des opportunités, des matériels différents, des ateliers différents à faire. C'est un espace qui ouvre plein de portes entre l'atelier de gravure, céramique et tout le matos pour faire la sculpture en bas et les grands espaces pour la peinture. Et c'est ça que j'ai bien aimé vu que je fais un peu de sculpture, peinture, céramique. Et on va voir à la fin qu'est-ce que ça donne. Radio Nora 22, une production Échangeur 22, réalisée par Nora El-Khamsi.